demandiez ce que j'attendais, j'attends aussi des choses et des pistes en termes de moyens qui pourraient nous aider, par exemple, à renforcer les ateliers sociolinguistiques, c'est-à-dire permettre aux gens qui ne maîtrisent pas la langue de maîtriser la langue pour accéder à leurs droits. Un renforcement du rôle des écrivaines publiques, y compris sur le domaine du numérique. Permettre aux gens de sortir de cette absurdité qui consiste à leur demander des éléments d'une vie numérique qu'ils n'ont pas parce qu'ils n'ont même pas accès à l'outil. Voilà, ces choses-là sont plutôt de l'ordre, on va dire, du concret, ou en tout cas de l'action à mener autour du droit. Et après, il y a ce que vous disiez, donc la question de la prise en compte de la personne. Et je pense que, sans être droit de l'homiste, je pense que cette question de prendre la personne à travers le prisme de ses droits, que ce soit dans ce domaine-là ou dans d'autres domaines du droit, c'est une manière de remettre la personne dans une fonction, une attitude, une dignité qui n'est pas celle de la personne en manque d'eux ou en besoin d'eux. Je pense qu'il faut qu'on arrête de se dire que les personnes qui viennent vers nous ou les personnes vers qui on va sont des personnes qui sont vides de plein de choses. C'est des gens qui sont pleines de plein de choses. Et notre métier consiste à travailler sur ce plein et pas seulement sur les besoins et sur les vides de la personne.